L'atelier d'un peintre, scène de la vie privée. Roman de Marceline Desbordes de Valmore, lu par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net. Sous licence creative.commode.org.